c'est très bien, c'est charmant, je comprends parfaitement. Ce motif est charmant, oui, c'est très ravissant. Oh, il est charmant. Maman crie de l'âme de la femme. C'est qui cause mon tourment. C'est lui qui fait son tourment. Mon cœur n'est à chaque instant. Je devine, j'imagine. Le tout vivre sans amour. Non, non, il faut un amant. Oui, c'est elle, est charmant. Je veux l'entendre souvent, très souvent. Très souvent, le dis-le-moi, ma chère enfant. Oui, c'est elle, je veux l'entendre souvent, charmant. Vous trouvez? Oui, c'est elle, dis-le, ma chère enfant. Volontiers. Oui, c'est elle, est charmant. Son motif entraînant produit le sentiment le plus grand. J'aime son seulement, je vais vous chanter l'air sans aucun agrément. Je le crois, je le crois. Ce sera tout simplement. À vous dirai-je, maman. Je maman. C'est cela. C'est charmant. Non, vraiment, c'est affreux. Non, vraiment, c'est très bien. Non, c'est charmant. C'est charmant. C'est charmant. C'est charmant. C'est charmant. C'est charmant. Pour vous mettre d'accord à l'accommodement, vous allez chanter d'abord tout simplement. Moi, je me chargerai de l'accompagnement. Je broderai sur l'air. Chacun sera avec ce petit instrument. Thank you. Je parle la poule à mes mains.